Jean Bosco, Ndoui Man. Avec nous dans ce journal, voici les grands titres de cette édition de ce jeudi 26 janvier 2017. Un militaire du 312e bataillon d'Ongozi a été arrêté pour collaboration avec ceux qui ont attaqué le camp de Muyinga la nuit de lundi à mardi, alors qu'un major de l'armée burundaise a été tué ce mercredi au camp militaire de Mutukura dans la province de Cankuzo. Le porte-parole de la FDN parle d'un incident grave puisque le militaire qui a tiré sur la victime n'a pas suivi le protocole de sommation. Et l'ancien président domitien d'Aïzéye propose au gouvernement d'initier le système d'irrigation dans les régions les plus frappées par la sécheresse afin de faire face à la famine qui se déclare déjà dans le pays. Il demande aussi au gouvernement de tout faire pour renouer les relations diplomatiques pour obtenir des aides étrangères. Cette famine est également la préoccupation de l'ALUCOM qui se base sur un rapport de l'OCHA, le Bureau onusien de coordination des affaires humanitaires. Et le marché central de Bujumbura, réduit presque en cendres depuis bientôt 4 ans, devrait être réhabilité. C'est en tout cas le vœu des commerçants qui exerçaient leurs activités dans ce qu'ils considèrent comme un des poumons de l'économie nationale. Et dans l'actualité internationale, une attaque à la bombe contre un hôtel en Somalie a fait 28 morts et 43 blessés ce mercredi dans un double attentat. Voilà pour le sommaire de ce journal mis en onde par Séraphine Hakizimana. Rebonjour, Major Dieudonné Karashira a trouvé la mort dans la nuit de ce mercredi au camp militaire de Mutukura dans la province de Cankuzo. Il a été fusillé par une sentinelle en garde lors d'une ronde nocturne, ce qui est confirmé par le porte-parole de l'armée. Colonel Gaspard Baratouza parle d'un incident grave car ce militaire a tiré sur ce major par mégarde sans suivre le protocole de halte. Un militaire du 312e bataillon commando de Ngozi a été arrêté ce mercredi après-midi à Ngozi. Il est accusé de collaboration avec ceux qui ont récemment attaqué le camp militaire de Muyinga. Les sources militaires indiquent qu'il a été immédiatement acheminé à Muyinga pour question d'enquête. Apollinaire Mozagara. C'est le nom de son militaire de grade de caporal chef qui a été arrêté alors qu'il était au service au 312e bataillon commando d'Ongol. Ce militaire est accusé d'être en relation avec ceux qui ont attaqué il y a 4 jours le camp militaire de Mukoni en province Muying. Arrêté sur mandat d'arrêt, libéré par le procureur général après la cour d'appel d'Ongozi, Amédé a été conduit immédiatement à Muyinga pour la poursuite des enquêtes. Matido Taba en province d'Itega, ce militaire est la deuxième personne arrêtée en Ngozi. Sur ce dossier, toujours ce mercredi, mais cette fois-ci avant midi, un policier connu sous le nom de Innocent Bereimana du commissariat d'Ongozi a été aussi appréhendé, puis transféré immédiatement à Muyinga pour question d'investigation. D'Ongozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. L'ancien président burundais Domitien Ndayizeye appelle le gouvernement à déployer tous les efforts pour combattre la famine qui se déclare déjà dans le pays. Pour lui, l'irrigation serait parmi des solutions durables dans des régions frappées par la sécheresse, surtout dans la plaine de Limbo. Mais il n'y a pas que cela. Selon Domitien Ndayizeye, il faut tout faire pour renouer les relations diplomatiques avec d'autres nations pour pouvoir obtenir des aides de leur part. Suivez Domitien Ndayizeye au micro de Léonce Vitalio. Je suis parmi ceux qui croient que le Burundi n'a pas beaucoup de moyens financiers pour combattre cette famine. Cela arrive au moment où nos relations avec les pays, amis, bailleurs de fonds que nous connaissions sont en crise relationnelle avec le gouvernement burundais. Mais quand cela nous tienne, il faut que l'ensemble des Burundais, le gouvernement burundais, prenne le courage à deux mains et aille quand même demander cette aide parce que nous en avons besoin, même à ces pays avec lesquels nous avions rompu nos relations diplomatiques. L'autre volet, c'est que nous puissions résoudre notre crise. Deux, avec l'avènement d'un bon climat, bon enfant dans le pays, nous allons pouvoir nous-mêmes nous mettre sur le champ. Je prends pour exemple la plaine de Limbo. C'est la première fois que j'entends que dans cette plaine, nous sommes en crise, alors que c'est une région qui est convoitée par tout le monde et qui nourrit l'ensemble de la République du Burundi à tous les niveaux. Nous avons le lac à côté de nous, mais également nous avons la Rusizi qui passe dans cette plaine. Là où on parle de sécheresse, on pourrait irriguer et avoir de l'eau et avoir une production alimentaire suffisante. Mais est-ce que nous pouvons faire cela pendant que dans cette région, il y a des bruits de bottes ou il y a une insécurité notoire? Donc, il faut d'abord garantir ce climat bon enfant à l'intérieur du pays. Alors, nous pouvons nous prendre bras dessus, bras dessous pour résorber ces crises avec nos propres moyens. C'était le président Domitien Ndayizeye et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLECOM, se dit également préoccupé par la famine au Burundi. Se basant sur le rapport de l'organisation OCHA, le Bureau onusien de coordination des affaires humanitaires, Gabriel Roufsiri, président de cet observatoire, met plutôt en avant une gestion équitable des richesses nationales. Il parle en outre d'un rétablissement de bonnes relations entre le Burundi et ses partenaires. Suivez. Il est clair que aujourd'hui, ce qui fuit la famine sont nombreux par rapport à ce qui fuyait d'autres tragédies qui ont menacé le Burundi dans ces derniers temps. Mais la catégorie la plus menacée sont la population vivant à l'intérieur du pays. Et nous pensons que le gouvernement, ce qu'il faut faire, il faut d'abord qu'ils acceptent ce danger de pauvreté. Plus de 3 millions aujourd'hui sont dans un besoin urgent d'assistance. Nous pensons qu'il faut en premier lieu un dialogue urgent pour qu'il y ait un climat apaisé dans le pays. Et deuxièmement, nous pensons qu'il faut qu'il y ait de bonnes relations avec les partenaires du Burundi parce que après avoir suspendu les aides, le budget de l'État a sensiblement diminué, de tel point que, à travers ce rapport que je viens de citer, le gouvernement a perdu dans certains services essentiels de base entre 30% et 50% des recettes qui étaient destinées aux services de l'éducation, services de la santé, de l'agriculture et autres services de base que la population en a besoin. Troisièmement, nous pensons qu'il est extrêmement urgent que le peu d'argent, peu de richesse nationale que nous avons puisse être mieux géré d'une façon équitable. La constitution dans son article 70, alinéa 3, est claire. Cet article stipule que tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans le pays parce que les pauvres sont appelés à supporter les riches. Gabriel Roufsiri, président de l'OLUCOM. Il est 13h04 à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Certains commerçants de l'ancien marché central de Bujumbura demandent au gouvernement de réhabiliter ce marché. 4 ans vont bientôt s'écouler avec la disparition de l'ancien marché central de Bujumbura qui a été complètement ravagé par un incendie. Ceux qui y ont perdu leurs marchandises disent que cet endroit est mieux placé pour le commerce et surtout qu'il était le poumon de l'économie nationale puisque ce marché générait beaucoup d'impôts et taxes. Alain Désiré, au Kayenet. Depuis que le marché central de Bujumbura a été ravagé par un incendie il y a bientôt 4 ans, cette place est entourée par une clôture en tôle. L'un des anciens commerçants dit avoir perdu ses marchandises d'une valeur de plus de 180 millions. Bientôt, il y aura 4 ans, le marché a été brûlé. Moi, j'avais 25 ans ici au marché. J'ai perdu tout, au moins 180 millions. J'avais 25 ans de service. Moi, j'ai perdu 180 millions. Nous avons contracté le crédit à la banque. Maintenant, l'État vient nous demander les taxes alors qu'on n'a pas encore nous relevé notre capital. Nous demandons alors au gouvernement qu'avant de percevoir les taxes, il faut regarder ceux qui ont été au marché. Toutes les marchandises sont brûlées. Maintenant, on n'a aucun sou. Cette commerçante indique que le trésor public en perd également beaucoup d'impôts et taxes. Beaucoup de commerçants ont perdu leurs biens et le commerce s'est détérioré petit à petit. Le commerce ne marche pas bien comme il faut parce que beaucoup de commerçants ont perdu leurs biens dans le marché central de Bujumbura. Même l'État a perdu beaucoup de choses parce que les commerçants payaient l'impôt. Ils payaient l'impôt. Quand ils payent l'impôt, l'État aussi bénéficie dans l'impôt que le marchand paye. Mais aujourd'hui, l'État ne bénéficie pas comme avant. Ces commerçants disent avoir perdu confiance entre eux, éléments indispensables pour pouvoir pratiquer le commerce, dans la mesure où certains pratiquaient ce commerce par l'intermédiaire des marchandises de la part d'autres commerçants. Certains commerçants demandent que cet endroit soit aménagé au moins pour l'intérêt de la santé humaine. Nous demandons au gouvernement de faire tout ce qui est possible, de nettoyer les déchets là qui restaient au marché. Parce que ce sont ça peut causer beaucoup de maladies aux gens, surtout les gens qui entourent ici à côté du marché. Il demande au gouvernement de réhabiliter son marché puisque pour eux, le centre-ville est mieux placé pour le commerce. Ce que je peux demander à l'État, c'est qu'il peut construire également ce marché central de Bujumbura. Il peut le faire pour que les commerçants ou bien les autres gens puissent travailler aussi comme avant dans le marché central. Nous demandons au gouvernement de réhabiliter le marché central de Bujumbura parce qu'au côté où il n'y a pas de sécurité. C'est loin aussi pour les clients. Même moi, j'ai passé 3 mois à un marché de côté où je n'ai rien vu, aucun client. Le marché central de Bujumbura a été ravagé par un incendie le 27 janvier 2013. Merci Alain Désiré. Et la régie des eaux va bientôt procéder au système de délestage pour bien gérer le peu d'électricité qu'il y a dans le pays. Le directeur général de la régie des eaux indique qu'il compte répandre les compteurs cash power dans tout le pays pour pallier au problème d'endettement. Jéroboam Zikobanyanga explique que l'une des raisons qui cause le manque d'électricité est qu'il n'y a jamais eu de nouveaux barrages depuis l'année 1986, alors que les besoins en électricité n'ont cessé d'augmenter. Le point avec Aubin Léoncourt. Sur le plan national, les besoins en électricité s'estiment à 70 MW. Mais aujourd'hui, la production totale s'estime à plus ou moins 40 MW, comme l'explique le directeur général de la régie des eaux. Je tiens à vous informer que depuis 1986, aucun barrage n'a été érigé et vous constatez que la régie des eaux se trouve face à un problème énorme. Les gens qui ont besoin de l'électricité ont plus que triplé, alors que les infrastructures qui donnent cette électricité sont restées stables. Avec cette carence en électricité, Jéroboam Nzikobanyanga dit que le système de délestage va bientôt être introduit. Mais il fait savoir que l'horaire de ce système ne sera pas communiqué. On s'était retenu, mais à la ligne où nous sommes, nous devons procéder très rapidement au délestage parce que on ne peut pas donner ce que nous n'en avons pas. En tout cas, dans les jours à venir, nous allons procéder au délestage. C'est la pluviométrie. Continuer à ce rythme. Mais la question du délestage, c'est une question stratégique, c'est une question sécuritaire. La population ne sera pas informée si l'un ou l'autre quartier ne va pas avoir du courant aujourd'hui. Parce que vous savez, le Burundi n'a que d'amis, il a aussi des ennemis. On doit protéger la population. Pour éviter les endettements de la part de certaines entreprises ou départements publics, le directeur général de la régie des eaux indique qu'il compte distribuer les compteurs prépayants à travers le pays. Il va y avoir un changement parce que le gouvernement a entrepris la réforme de la régie des eaux. La réforme doit s'accompagner de certaines mesures qui puissent permettre à ce que l'entreprise puisse avoir des fonds. Bien qu'il y ait ce problème de manque d'électricité, Jéroboam Nzikobanyanga explique que la régie des eaux n'a aucune dette ou arriérée envers la société Sinelac qui donne de l'électricité dans les pays des Grands Lacs. Merci Aubin Léoncourt. Une promesse de rapatriement au pays de ceux qui ont quitté la ville de Bujumbura a été faite par le président de la République. Cela est dit par Jean-Claude Karegwa, porte-parole adjointe du président. Il indique que le président a invité les natifs de cette ville à exploiter les opportunités qui se présentent à eux. C'était au cours d'une rencontre entre le président Pierre Nkurunziza et les natifs de la commune Nahawa. Suivez Jean-Claude Karegwa, porte-parole du président de la République. Les natifs de la commune de Nahangwa, ils ont demandé au président de la République de faire tout ce qui est en son pouvoir, de collaborer avec toutes les institutions étatiques pour que ces citadins qui ont fui la mairie de Bujumbura puissent retourner. Une chose que le président de la République a aimé, il a promis de rester à leur côté, à les appuyer pour asseoir la paix et la sécurité une fois pour toutes au Burundi. Le chef de l'État a en outre rappelé qu'il ne devrait pas prendre pour acquis les opportunités qui regorgent leur capital, mais qu'il devrait plutôt les exploiter au maximum. Et pour y parvenir, il faut d'abord renforcer la paix et la sécurité, mais aussi revenir sur l'éducation traditionnelle. En plus, penser au projet de développement. Le chef de l'État a rappelé que tout le monde devait se sentir interpellé, qui doit laisser un héritage aux générations futures. Le chef de l'État a promis à la population urbaine, il va effectuer 4 descentes sur terrain, 4 fois par an, et que dans l'entretemps, il va envoyer des émissaires pour renforcer les capacités de la population urbaine. Jean-Claude Karegwa, c'est le porte-parole adjoint du président de la République. On reparle de la régie des eaux avec les clients de la province Karoussi qui utilisent actuellement les nouveaux compteurs Cash Power, qui se lamentent qu'ils vont acheter les unités de l'électricité à Bujumbura. Ils demandent s'ils ne peuvent pas s'approvisionner au chef-lieu de la province pour éviter que l'eau courante ne leur arrive à un prix exorbitant. Blaise Pascal Karoumier pour les détails. Les clients de la régie des eaux qui utilisent actuellement les nouveaux compteurs Cash Power pour avoir de l'électricité dans la province Karoussi s'accroît en effectif, comme l'indiquent les sources de cette institution à Karoussi. Ils signalent qu'il y aurait eu un léger mieux par rapport au système de relevé et de paiement par après. Cependant, ils se lamentent qu'ils éprouvent un grand problème pour avoir des unités de cette électricité, ce qui est confirmé par les responsables des établissements secondaires à qui la régie des eaux vient de contraindre l'utilisation des compteurs Cash Power depuis ce mois de janvier en cours. Pour s'acheter des unités de cette électricité, ils sont obligés d'aller à Bujumbura, ce qui leur coûte un ticket d'environ 20 000 francs qui s'ajoute à la facture des unités, indiquent ses clients. Le fait d'aller chercher ces unités à Bujumbura ferait que certains passent quelques jours sans électricité et cette dernière devient aussi chère pour eux. C'est ainsi que ces clients de la régie des eaux demandent aux responsables de cette institution de voir comment ils peuvent s'approvisionner de ces unités de l'électricité au chef-lieu de la province si possible. Et sur cette question, les responsables de l'antenne provinciale de la région des eaux nous ont dit qu'il faut que nous allions nous adresser aux responsables de la région Gozi, à qui ils donnent les rapports, expliquent ces responsables. Depuis Karoussi, c'est Pascal Kararoumier pour Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a déclaré mercredi qu'il condamnait la volonté de son homologue américain Donald Trump de construire un mur à la frontière avec les États-Unis. En Libye, on parle de la perte d'une ville clé pour les islamistes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda, battus par les forces armées menées par le général Khalifa Haftar. Et en Somalie, une attaque à la bombe contre un hôtel a fait 28 morts et 43 blessés ce mercredi dans un double attentat. Les détails avec Didier Nyonzima. En Somalie, les services de secours ont signalé qu'au moins 28 personnes ont été tuées et 43 autres ont été blessées ce mercredi dans le double attentat contre un hôtel du centre de la capitale Mogadiscio, suivi d'une attaque par des combattants armés d'El-Shabaab. L'Union des journalistes somaliens a révélé que 7 journalistes ont été blessés. Un témoin a affirmé que c'est une voiture piégée qui a été lancée contre l'une des entrées du périmètre de sécurité de l'hôtel Daya, fréquenté par des hommes politiques et situé près du Parlement et de la présidence. Plusieurs hommes armés ont par la suite pénétré dans l'enceinte de l'hôtel et ont commencé à échanger des coups de feu avec les gardes de sécurité. Au moins 4 assaillants impliqués ont été tués selon la police. Cette attaque survenait au moment de l'annonce par la commission électorale du pays de la date de l'élection présidentielle fixée au 8 février. En Libye, les forces armées menées par le général Khalifa Haftar ont repris aux islamistes la ville de Ganfunda, située à l'ouest de la ville de Benghazi. Selon le site web de la BBC Afrique, Cette localité faisait l'objet d'un siège mené depuis plusieurs mois par les troupes fidèles au général Haftar. Cette ville a connu les pires affrontements entre les forces loyales à Khalifa Haftar et les milices islamistes locales, dont certaines sont affiliées à l'État islamique et à Al-Qaïda. Des résidents de Benghazi signalent toutefois que deux zones dans le centre de la ville sont toujours détenues par des groupes islamistes. Une organisation de défense des droits de l'homme a indiqué à la presse que des civils sont restés prisonniers dans le district de Ganfunda pendant des mois. Et enfin, le président mexicain Enrique Peña Nieto a condamné ce mercredi le projet de son homologue américain Donald Trump de construire un mur à la frontière entre les deux pays. Selon le site web de France 24, le président mexicain s'est engagé à défendre les migrants mexicains aux États-Unis et il a répété qu'il n'opérait pour aucun mur. Je regrette et condamne la décision des États-Unis de continuer la construction du mur qui, depuis des années, au lieu de nous unir, nous divise, a-t-il affirmé dans un bref message vidéo diffusé sur son compte Twitter. Donald Trump a signé ce mercredi un décret lançant le projet de construction de ce mur pour endiguer l'immigration illégale vers les États-Unis. Didier Nyonzima ainsi se referme à ce journal. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Un militaire du 312e bataillon d'Ongozi a été arrêté pour collaboration avec ceux qui ont attaqué le camp de Muyinga en la nuit de lundi à mardi. Alors qu'un major de l'armée burundaise a été tué ce mercredi au camp militaire de Mutukura dans la province de Cankuzo, le porte-parole de la FDN parle d'un incident grave puisque le militaire qui a tiré sur la victime n'a pas suivi le protocole de sommation. L'ancien président domitien d'Aïzéye propose au gouvernement d'initier le système d'irrigation dans les régions les plus frappées par la sécheresse afin de faire face à la famine qui se déclare déjà dans le pays. Il demande aussi au gouvernement de tout faire pour renouer les relations diplomatiques pour obtenir des aides étrangères. Cette famine est également la préoccupation de l'ELUCOM qui se base sur un rapport de OCHA, le bureau onusien de coordination des affaires humanitaires. Et le marché central de Bujumbura, réduit presque en cendres depuis bientôt 4 ans, devrait être réhabilité. C'est en tout cas le vœu des commerçants qui exerçaient leurs activités dans ce qu'ils considèrent comme un dépouillement de l'économie nationale. Et vous venez de le suivre dans l'actualité internationale. Une attaque à la bombe contre un hôtel en Somalie a fait 28 morts et 43 blessés ce mercredi dans un double attentat. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal, mis en onde par Séraphine Hakizimana, à qui je dis également merci. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco, Nduimana, nous vous souhaitons de passer un très bon après-midi. Ne tournez pas le bouton, le programme continue.